Aujourd'hui, le lundi 13 février 2023. Attends. Demain, là, c'est la fête de l'argent. Ben oui, c'est la fête des sous. C'est la fête masquée de l'hypocrisie sociétale. Non, le 13. Non, pas le 13, demain. Le 13 demain. Ben oui, mais 13 plus 1, plus 2, plus 3. Je retiens qui? Je retiens de moi. Je retiens de mon père. Je retiens de ma mère aussi. Ma mère, elle dit. Non, elle tape là. 13 plus 1. 14? Oui, mais 14 de quel mois? Moi, je suis né. Non. Nous sommes le 13 février. Oui, demain. Ben, le 14. Le 14, c'est. C'est la fête de l'amour. Non, de l'argent! Aujourd'hui, le 13 février 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mon kiki, allez acheter, on vous aime comme ça. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bainfumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Murder. Things are gonna slide. for my 19th birthday, I got a union card at all.

mon âme et ma conscience discute, on est des jours de tous ces problèmes qui nous tournent autour. Mais là où ma conscience dit oui, mon âme dit non. Alors discuter, oui, mais à quoi bon? Puisque moi, j'en ai marre. Mon moi me dit qu'il en a marre. Mon moi, il dit qu'il en a marre. Pour moi, la vie est un cauchemar. Alors moi, mon âme et ma conscience discutons nuit et jour. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tous les jours que je travaille ma cervelle. Ressemble à ce qu'on a dans la tête. C'est pas long à comprendre pourquoi tout ça ne tombe pas très net. Conscience, on en a marre. Pour nous, la vie est un cachet. Allô. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, merci. Pardonnez-moi pour le retard. Il n'y a pas de problème. Non, aucun problème. Mais voyons. Moi, j'ai eu un peu des... Je me suis fait opérer hier sur le pied. Ah oui? Juste pour une verrue plantaire. Okay. Mais tout d'un coup, ça fait tellement mal que... Ah oui, c'est normal. J'ai failli prendre un taxi, après il ne venait pas. Bon, etc. Okay. Je vous épargne le détail de ma vie. Non, il n'y a pas de problème. Hein? Sinon, ça va à part la verrue. Oui, exactement. Lewis, c'est américain? C'est australien, là, pour le coup. Merci. Deux, ça va? Oui, merci. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est de quelle nationalité? Australien, à la base. Australien, ok. Ouais. Aucun lien avec Jerry? Non. Ok. Mais Jerry Lewis s'appelait Levitch au départ. Ah, c'était okay. Les immigrés. Bon, après, pour les Lewis australiens, je ne sais pas, ils sont venus au 19e siècle. Hein, c'est... Et on se tutoie? Oui, okay. Bien sûr. Ouais. Et puis, tu es à Paris depuis combien de temps? Pardon? Tu es à Paris depuis combien de temps? Moi, ça fait 40 ans. Oh! Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Paris? Au départ, c'était des études de trompette, musique classique. Okay. J'étais au Conservatoire de Paris et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler, rencontrer des musiciens ici. Plus faire du classique, mais jazz et musique pop. Aussi avec des gens comme Annie DiBango, oui. Arthur Ashe, etc. Oui, ben oui, Arthur Ashe. Voilà. Qui restait il n'y a pas si longtemps ici à Pigalle. Oui, dans un théâtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a à peu près 6-7 ans. Ouais. Il est habité, c'est ça? Là, il a déménagé, mais il restait juste ici à côté, en bas de la côte. Ouais. Puis il y a aussi Brad Scott et tout ce monde-là. Oui, tu les connais? Oui, ben, ouais. Moi je les connais, je les ai rencontrés. Ouais. Puis en plus, c'est des gens qui viennent souvent au Québec. Oui, c'est ça. Donc, surtout Arthur Ashe, il est très aimé, il est connu. Oui. Il a une bonne carrière. Oui, clairement. Mais à l'époque, je venais avec lui. Je suis venu plusieurs fois. Je crois qu'on a même enregistré des morceaux live au bar d'Auteuil. Oui, exactement, qui n'existe plus. Ah oui, c'est qui n'existe plus. Non, qui n'existe plus parce que le plancher a cédé. Bonjour. Je prends un grand crème, s'il vous plaît, oui. Et un verre d'eau. Tu veux quelque chose? Le titre du disque, c'est En chair et en os. Oui, c'est ça. Ah oui? Oui. En fait, il a été enregistré plusieurs fois. Oui. Mais la plupart des prises qui sont gardées, c'était en Auteuil. Et Cold Jazz a été enregistré en Afrique. À La Réunion, je crois. À La Réunion, oui, voilà, c'est ça. 12 minutes. 12 minutes. Mais c'est pas moi qui joue le trompette. Okay. J'ai été en tournée avec Manny DiBango. OK. Du coup, c'est quelqu'un qui me pide de Volpe, qui m'a remplacé. C'est lui qui joue là. Mais ces rencontres-là, ça te permet de faire aussi ton matériel à toi? Ah oui, tout à fait. Non, mais les rencontres, là, c'est quand même, ça remonte, hein, c'est début des années 90. Je tournais en même temps avec Manny DiBango et Arthur. Donc pendant 2-3 ans, c'était une sorte de stage d'accélérer, du métier de la scène. Mais Manu, c'est une formidable arrangeur. Chez Arthur aussi, les arrangements étaient vraiment très importants dans la proposition. Et à la suite de ça, on a fait le Cabaret Sauvage à Paris avec Brad Scott et Vaché Bezou. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré Belle. Okay. Belle du Berry, oui. Et... On est en interview là? Oui. Ah oui, tu enregistres? Ah oui, depuis d'accord. Moi je prends mes micros, je fais ça d'accord. À Record, puis il n'y a pas de problème. D'accord. Et sinon, à quel moment tu t'es lancé dans la musique? À quel moment tu t'es dit je vais en faire une carrière, même si c'est quelque chose de pas si évident que ça? Moi c'était très tôt parce que ma mère est musicienne. Okay. Elle était professeure de musique aussi. À quel endroit? En fait, moi j'ai grandi dans une toute petite ville à mi-chemin entre Melbourne et Adelaide, dans le sud de l'Australie. Donc c'était assez rural, mais il y avait énormément de musique. Je pense que c'était quand même une période assez faste au niveau... Il y avait beaucoup de moutons à tendre. Oui. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de musique amateur, des fanfares. Pour une ville de 10 000 personnes, Il y avait 7 écoles primaires. Oh. Mais parce que tous les gens dans les fermes autour, dans les villages autour, venaient dans la ville. Et moi, très tôt, ça semblait quand même une très bonne option, hein, de faire sa vie. Rechercher, dénicher, décoter la perle rare, c'est comme de jouer à Colin Maillard du bout des doigts, toucher ce que l'on verra plus tard, les yeux bandés, goûter aux fruits du hasard. Je parle de tout ça, je suis pas loin. Je parle de tout ça, qui ne cherche pas ne trouve pas. Je parle de tout ça. Jusqu'à toi, j'ai reçu un petit choc. La toute première fois que j'ai touché tes côtes, l'île au trésor, c'est toi. Je parle de tout ça. De musique. C'était sa passion. Oui, mais elle accompagnait, elle dirigeait les chorales, elle accompagnait les comédies musicales. Donc c'était, ouais. Non, ça a été une évidence pour moi. Et en fait, c'est elle qui t'a amené le goût, inspiré la musique. Elle t'a comme encouragé, ou est-ce qu'elle t'a encouragé? Ah, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. En sachant bien que c'était pas non plus un travail très évident. Non, mais moi je me rappelle dans la bibliothèque à l'école, il y avait un livre qui parlait de, justement de la musique comme possibilité de métier. Et c'était un truc un peu didactique, mais il y avait plusieurs jeunes. Il y a une qui est devenue professeure, un autre concertiste, je ne me rappelle plus, le troisième. Mais en fait, je pense qu'il y a toujours cette notion, on sait que dans la musique, il y a plein de possibilités. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se lance en pensant qu'il veut être juste, je sais pas, chef d'orchestre. Bien sûr, on peut avoir des buts bien précis. Mais en fait, ce qui est beau dans la musique aussi, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Oui, donc moi, c'est un exemple. Je suis venu ici faire des études classiques. Après, j'ai rencontré des gens à Paris. Et Paris, c'est formidable pour ça. Parce qu'il y a tellement il y a beaucoup de gens qui viennent ici. C'est ça qui fait la richesse. Le foisonnement. Ouais. un peu comme à Dublin, un peu comme dans des grandes villes comme ça. Les gens se rassemblent et surtout ici c'est très artistique, c'est très créatif. Ouais. Alors ouais. Tu te sens vraiment à l'aise. Quand tu es arrivé ici, tu t'es comme enraciné parce que tu trouvais vraiment ta place. Ouais, ouais. On trouve toujours des. Belle Bonds, une chanson, elle parle de tribu en tribu. Je crois que c'est même la première chanson du premier album. Et je pense qu'on trouve des tribus, on trouve des. Et elle, c'est un bon exemple aussi. Elle est venue de Bourges, elle a fait des études, mais à un moment donné, elle était à Paris, elle a rencontré des gens qui étaient dans le mouvement post-punk, dans les fin des années 80. Des groupes, maintenant, un peu, sont devenus. Légendaire, culte, comme je ne sais pas si tu connais les Andy Manchet. Je crois qu'ils appelaient ça du punk rural. C'était inspiré aussi par le folklore. Un peu comme les Pogues. Oui, on peut dire ça un peu, mais c'était plus le folklore français. Et après, il y a eu des Andy Manchet. Okay. Des Champettes de Joie, pardon. Des Champettes de Joie. Qui était une revue ici à Belleville, aux Zèbres. Oui. Avant que ça soit transformé. Ouais, et au début des années 90, elle faisait ça avec un groupe de gens. Et c'était complètement acoustique. C'était basé sur des répertoires plutôt du début du siècle. Okay. Jusqu'aux années 20-30. Il y avait Pozzi de Pride Combo et François déjà. Donc, c'est juste pour dire qu'eux, ils se sont suivis de tribu en tribu pendant 30 ans aussi. Et après, avec Belle, on s'est rencontrés au Cabaret Sauvage en 1995. Mais il y a Paris Combo, c'est quand même un vieux groupe. C'est un groupe qui date de 1995. Oui, c'est ça. Puis il y a eu beaucoup de modifications au sein du groupe. Est-ce qu'il y a des musiciens qui se sont greffés et d'autres qui sont partis? Un jeune homme de banlieue ouest se piquait de curiosité à mon sujet et me demandait, mes belles, mais pourquoi tant de célibat? Pourquoi? Parce que les hommes fuient comme la peste ou le choléra, tu choisis. On me sourit, mais croyez-moi, on ne se frotte pas, non, ne se frotte pas à moi. Car qui s'y frotte, s'y pique. Et quand un homme est piqué au vif, pour lui je suis un roc, je suis un if. Je vous le pose en mille. Eh bien, Mano va vous y répondre en quelques mots. Un if est un conifère, toujours vert, aux feuilles longues et étroites, portant un petit fruit rouge vif. Mais revenons plutôt vif du sujet avec notre ami australien de nature fort généreuse et trompettiste de renommée internationale. Il me faisait remarquer que ce jeune homme blond, aux yeux si clairs, me dévorait des yeux par-dessous ses paupières. Mais je sais si bien que lorsque je lui dirai bien, décontenancé, les bras ballants, il me demandera, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'attends-tu de moi? Pourquoi tant de haine? Tout ça parce que les hommes me craignent, comme si je pouvais leur faire du mal. On me sourit, mais croyez-moi, on ne se frotte pas, non. Je suis un roc, je suis un if. méditerranéen, assis sur sa chaise, une guitare entre les mains, qui me disait ceci. Il me disait, belle, une belle fille comme toi ne peut pas rester seule, c'est une injure à l'amour. L'amour, mais je sais si bien, comme dans les contes tout finira bien, et qu'un homme me coupera les ailes avant que je ne change en statue de sel. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons moments. Car si les hommes craignent, il y en aura bien un. Qui se frottera, frottera à moi, qui s'y piquera et piquer au jeu de l'amour, où je t'aime mon amour sans avoir peur des mauvais jours. Mais en fait, il convient aussi de préciser, tu es au courant de la situation actuelle du groupe. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Donc, non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les premières années, les premières 10 ans, c'était avec la même équipe. Il y avait Manu Rajanajatu à la basse. Oui. Ensuite, quand on a repris en 2010-2011, on a changé de bassiste. Manu était déjà parti. Après la première période, en fait, on a changé que uniquement cette poste-là de basse. Okay. Et les 3-4 dernières années, c'est Benoît du Noyer, de Second Zac, qui est venu. Et dernièrement, il y a 2-3 ans, on a rajouté un sixième membre aussi. Ouais. Ouais. Et ça donne quoi comme changement, un autre musicien, un autre membre Bah pour le basse, c'est capital. Je pense, je dirais même que c'est difficile à dire qu'il y a un. Je pense que déjà basse ou batterie, c'est capital dans un groupe. Ça infléchit de manière extraordinaire. Mais la basse, c'est plus qu'on puisse imaginer en fait. Le groupe existe depuis à peu près 95. Moi, je possède 3 albums. Vous en avez fait quand même beaucoup. Oui, on a fait. Kezako était le 7e album studio. Okay. Il y a eu un live en 2002, double live. Il y a eu aussi un album de remix, ce que j'aurais dû vous amener, mais je n'ai pas pensé. C'est sur Spotify. Oui, Transfert, on s'en rendra avec vous. Oui. Mais en faisant des remix, en fait, on va puiser dans notre bibliothèque, dans nos archives pour revamper, pour modifier, pour mettre au bout du jour. Bah, je pense que dans notre cas, d'ailleurs, demain, il y a une remix de la deuxième chanson de Kezako qui sort. En fait, au vu des gens avec lesquels on a travaillé ces remix, c'est plutôt une relecture de l'arrangement de la chanson. Okay. Parce que c'est presque. Bah, celui de demain, bon, il a enlevé un petit peu de texte, mais pas beaucoup. Ce qui était vraiment intéressant, et pour moi aussi en tant qu'arrangeur, c'était de confier la voix avec le texte à un autre arrangeur pour voir ce qu'il faisait. Et parfois, en incorporant aussi des éléments musicaux qui étaient déjà là. Mais ça a été... en tout cas, le disque qu'on a sorti en 2018, c'était... C'était un truc qui nous a fait avancer en fait. Parce qu'après ça donne des idées à soi-même. Ah oui, oui, oui. Pour l'arrangement. D'ailleurs, sur Kezako, on a retravaillé avec Nicolas Repap. Oui, que j'ai rencontré. Ah, attends, ok. Et tu vas connaître avec Arthur aussi. Ah oui. Mais je l'ai rencontré avant Arthur. Ouais. Mais oui. Qui a travaillé avec aussi. Il a travaillé avec beaucoup de personnes. Il a même fait une reprise d'une chanson d'un Québécois qui s'appelle Jean-Pierre Ferland. Ah ouais? Oui, pour son album mythique qui s'appelle Le Jaune. Ah oui, yeah. Le Petit Roi. Ah ouais? Est-ce que tu connais Le Petit Roi? Non. Non. Ça te dit? Non. Non. En tout cas, c'est un album mythique. Et il l'a fait en 60... 74, 75. Donc, il a demandé, ben, en fait, c'est la compagnie de disques avait demandé à plusieurs créateurs de revisiter les chansons de Jean-Pierre Ferland. Ouais. Et Nicolas a fait quelque chose de sublime. Puis après ça, ben Charlotte Gainsbourg a repris une chanson aussi de cet album-là qui s'appelle... C'est entrepreneur. De paiement, de remboursement. Le argent blanc. Mais en tout cas, elle l'a repris... Stéphane Lecher aussi a repris la même chanson. C'est le Café des artistes. Ouais. C'est une chanson qui a été reprise par personne. Et comment se passe cet autre compositeur? Jean-Pierre Ferland. Ferland. F-E-R-L-A-N-D. Ferland. Ferland, d'accord. Ferland. Je regarde ça. Et Nicolas, comme Nicolas lui-même, il a fait des disques de chansons. Et il a beaucoup travaillé avec Arthur aussi. Je crois que Nicolas il remixe avec un arme d'auteur compositeur aussi. Ah oui. Il a beaucoup de respect pour la voix et le texte. Ce qui n'est pas typiquement ce qu'on attend d'un remixeur. Mais, et là le remix qui sort demain, c'est un Lyonnais qui s'appelle Patchworks qui a remixé le deuxième morceau du disque par Espace de façon un peu rocksteady. Et c'est sympa. Et du coup, on entend la chanson différemment aussi. Moi, je trouve ça intéressant. Mais lorsque des remixes, avez-vous le droit de refuser ou d'accepter Moi, je suis assez. Des gens avec lesquels on a travaillé, de toute façon, acceptaient les discussions. Donc par exemple avec Bruno, avec Patchworks, j'ai suggéré des trucs, mais bon, c'est en bonne en confiance et en bonne entente. Oh, oui, ben ouais. Oui. Et si vous faites affaire avec ceux-là, c'est que vous les connaissez, vous savez un peu leur travail. C'est exactement ça. Et donc il n'y a pas de... Il y a des surprises, oui, mais elles sont positives. C'est des bonnes surprises et même nous, on peut aussi amener de l'eau au moulin. Après, c'est un travail avec quelqu'un peut-être plus, disons, pas plus connu, mais qu'on ne connaît pas. Ouais. Peut-être que ça devient un peu compliqué. Mais ça crée la surprise, puis quelquefois, ouais. C'est pas toujours positif. C'est sûr que nous, comme on fait des chansons, on a quand même envie de garder le sens. Ouais. En fait, un droit de refuser ou d'accepter ce que... Oui, mais ça de toute façon, mais bon, c'est dommage de faire travailler des gens pour ne pas accepter. Est-ce que tu collabores à l'écriture ou si tu laisses ça à d'autres personnes? C'est l'écriture des morceaux même, on n'a jamais collaboré, non. Okay. C'était toujours... Mais en fait, on était déjà plusieurs dans le groupe, contribués, donc... le dernier album, c'est beaucoup Belle et moi. Il y a eu un morceau que Pozzi a écrit. Sur les albums précédents, c'est un peu plus mélangé. 5, celui qu'on a fait en 2013-14, c'est entièrement co-composé. Ok. Donc on a... Il y a un peu toutes les configurations sur... dans les morceaux. Moi, il y a tous les textes, c'est de Belle. Ça, c'est depuis les débuts. Je crois qu'il y a un ou deux textes, un de moi, un de Mano, le bassiste à l'époque, mais sinon c'est vraiment, c'était ça le domaine. Et voilà, donc on était déjà une petite équipe d'écriture. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons que vous ne reprenez plus parce qu'elles ont vieilli ou elles n'étaient pas assez abouties, ou vous aimez moins, vous aimez plus? Non, il y a des chansons qu'on n'a plus reprises depuis des années. Pourquoi? Bah parce que là, maintenant, il y a une centaine. Ouais, c'est et un concert, c'est, pour nous, c'était plutôt 15-17 chansons. Donc, on choisissait, on favorisait toujours des chansons de dernier album aussi. Ah ouais, ben oui. Il faut bien mixer un peu ce qu'on fait. Ouais, mais c'est bien parce que c'est d'ailleurs, c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que... même là, on a fait un concert le 2 juin en hommage à Belle Libérée. Oui. Et même là, on a chanté 5 chansons de l'album, pour moi, c'était important que des artistes, il y avait une petite équipe d'artistes, qu'on s'attaque aux nouvelles chansons, parce que voilà, on est dans l'actualité, on est dans le dernier acte de création. Et c'était toujours agréable de partir en tournée avec des nouvelles chansons, de toute façon. Parce que le disque, bon, je crois que le disque c'est plus ce que c'était au niveau de la diffusion, c'est un peu tout ou rien, les radios n'en parlons pas aussi, je présente compagnie excepté, non mais c'est, merci d'être là, mais c'était une manière capitale de diffuser des chansons en fait, de les jouer en live. Ça semble une évidence, hein, je pense qu'il y a eu une époque où ça suffisait à ce que les chansons passaient à la radio. L'âge d'or. Ouais. ouais, âge d'or ouais. de la musique. Il y a eu quand même un peu un âge d'or. Ouais. Est-ce que sur scène, vous improvisez, aimez-vous vous lancer dans quelque chose d'un peu plus mouvant? Ben, il y a un aspect de musique improvisée dans ce qu'on fait et dans le... comment dire, un peu dans la flexibilité de l'interprétation, mais aussi le fait que il y a des improvisations jazz, hein, que ce soit piano, trompette, guitare, dans le... Mais ça se prête à ça aussi. La musique se prête à ça. Vos chansons se prêtent à ça. Oui. La musique se prête à ça. Il y a un flow aussi dans le... les textes qui se prêtent à ça, mais qui est très lié à la musique et les rythmes qu'on fait. Je pense que Bell n'improvisait pas vocalement, mais dans sa manière d'être sur scène, il y avait vraiment un aspect d'improvisateur, je pense, qui doit beaucoup au cabaret. Cabaret qui est une forme, comme vous dites, un peu mouvante. Oui, exactement. Je pense que il y a des spectacles musicaux où ça c'est fixe. Et avec elle, c'était quelque chose qui était très en rapport avec le public et qui évoluait. Est-ce que ça a été difficile de faire le changement avec le groupe à un moment donné quand il y a eu cette explosion-là, quand il est arrivé ce... Cette? En fait, vous avez demandé à un autre musicien de faire affaire avec votre groupe, de jouer avec vous autres. Donc, ce musicien-là devait apprendre tout ce que vous saviez et... Vous parlez de la basse? Oui. Bah, la première fois, c'était après 5 ans de pause, okay. Donc c'était pas compliqué. Il fallait juste auditionner des gens et... OK, c'était pas un ami que vous avez suggéré de... Si, mais okay. C'est toujours un peu comme ça. Okay. Et dernièrement, c'est un musicien, Benoît Dunoyer, c'est vraiment une pointure, comme on dit. Oui. Et un jour, il est venu remplacer et... petit à petit, on a décidé que ce serait bien pour le groupe de continuer avec lui. Au bout d'un moment, il y a une sorte de transition. Mais ce sont des... en fait, depuis une quinzaine d'années, le bass, c'est un peu une siège... Je ne vais pas dire éjectable. C'est pas un membre fondateur du groupe, en tout cas. C'était pas une nécessité. Mais en fait, ça a été des musiciens freelance qui ont rempli ce poste-là. Ouais. Et sur scène, est-ce que vous avez autant de plaisir qu'à l'époque, quand je vous voyais vous lancer? C'est vraiment une fête quand on va voir votre spectacle. Mais vous l'avez vu où, en fait? En fait, moi, j'ai vu des brides sur YouTube. Oui. Après ça, vous n'êtes pas passé à Québec, malheureusement. En fait, non. Non. En venant ici, je me suis dit, c'est vraiment étrange. Le groupe a tourné beaucoup aux États-Unis. On a fait plus de 20 tournées aux États-Unis et dans des lieux plutôt prestigieux. Vous pouvez jouer au Hollywood Bowl, SF Jazz, on a fait plein de fois. Et le Canada est resté... je pense que c'est des histoires de tourneurs et de... Ouais. Et malheureusement, non, Québec, je crois qu'on n'a jamais fait. Non. On a joué à Montréal, on a joué à Montréal Jazz plusieurs fois. Festival de jazz, oui. Ouais. Ou au moins une fois. Mais la question, en fait, on avait, pour moi, c'était un plaisir absolu. Hein. Parce que c'était quelque chose que, en fait, c'était une autre création. Ouais, ben oui, voix de bébé. Oui, exactement. Donc, à vous de maman. En tout cas, je n'ai jamais eu un seul instant d'emmerdement avec le groupe. Parce que en fait, c'était quelque chose que nous on portait et qu'on était entièrement responsable dans tous ces aspects. Donc, en fait, du coup, on est plus grand En fait, si, on a toujours essayé de rendre la musique le plus intéressant possible pour nous. Et on avait cette liberté aussi. Je pense que c'est ça, là, ce qui compte. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de s'ennuyer. On est maître à bord. Oui, effectivement. Mais il y a toujours dans votre musique le côté assez souvent festif. Ouais. Oui, oui, ça c'est important. Ouais. Et pour Belle, c'était important. Bon, elle avait des racines dans le mouvement alternatif post-punk qui avait toujours un côté aussi drôle. Pour elle, c'était important. C'est l'humour. Dans les textes aussi, il y a souvent l'humour. Et c'est ce mélange de peut-être parfois un regard plus grave, mais toujours assez festif dans sa finalité. Mais on sent aussi que vous vous lâchez. Que vous vous lâchez sur scène. Oui. C'est ça. L'abandon. C'est l'avantage de la scène, ouais. De toute façon. Ouais. Est-ce que les chansons vivent avant sur scène, avant de s'en disquer, ou si vous préférez faire ça en studio puis après ça le présenter devant le public? Souvent, par le passé, on jouait des chansons live avant de les enregistrer. Ouais. Pas sur ce dernier disque. On avait commencé les jouer live, en fait, justement, on a fait un concert début 2020. Oui. Où on est joué live, et c'était important en fait pour juste pour les lancer, les tester. Oui, c'est ça. Pour mais bon, le Covid est arrivé. Ouais. Bon, en fait, il y a eu d'autres albums où on avait joué plus live les morceaux, ça dépendait en fait. Ça peut être une bonne chose, ça c'est sûr. Est-ce que les gens du groupe travaillent ailleurs aussi? Est-ce qu'ils ont d'autres contrats, ou s'ils se consacrent uniquement à Pelcombe? Ma Poddy, le guitariste, travaille pas loin d'ici. Hein, toutes les semaines, il est au Clairon. Oui, OK, oui. Sur la place du théâtre. Ouais, okay. Il va être là ce week-end, je pense. OK. Hein. Donc lui, c'est... Et après, lui, il fait d'autres projets ponctuels aussi. François, le batteur, lui joue dans d'autres groupes, dans Western Machine, qui est un groupe un peu de, je sais pas comment appeler ça, de rock, psychobilly, un peu western. Ah oui, c'est bon. Un peu années 60, le côté psychédélique. Ouais, c'est un certain regard sur... Et après, les deux autres membres qui sont plus de freelance, bon, ils font des mille trucs. Rémi, le percussionniste, fait un groupe de R&B qui s'appelle The Break, qui est basé à Lyon. Ouais. Et François, le bassiste, bon, il fait tout, il fait plein de trucs. Et toi? Et toi? Bon, moi, pour l'instant, j'étais très très occupé avec la sortie de cet album. Ouais. Par le charme d'Algo, les castagnettes et les tangos. Son souhait le plus ardent de prendre pour amant un beau cavalier rose, vrai tout en chair et en os. Aïe aïe, Rémi, pourquoi n'es-tu pas né en pays là, t'as plutôt en pleine Vendée. Aïe aïe, qui est dans l'art de n'avoir pas le corps des Andalouses que l'on jalouse, mais qu'on adore. C'est pourquoi, pas à pas, elle en vient, les appâts qu'elle n'avait pourtant pas. Consumée par sa passion, elle tenait toujours bon, dansant le flamenco sur son paquet à coups de sabot. Mais un jour, n'y tenant plus, elle reprit le dessus, en bateau s'embarqua direction la Costa Brava. Aïe, je suis folle de voir tant de spagnols crier l'hystérique en péninsule ibérique. Mais l'allégresse qui place à la détresse, quand dans un bal, elle découvrit sera gay, irénique, car tous les Espagnols la trouvent en morassonne. Tel un taureau dans l'arène, fonçant sur tout ce qui bouge, Irénée hors d'haleine, furieuse, finit par éclater. farouche, saisissant les éventails, les cheveux en bataille. Irénée frappait fort avec l'adresse d'un matador. Mais quelle bouche t'a piqué? Bégayait ainsi les conchita qu'on t'avait. Aïe, aïe, caramba, maman, que frida. Puis c'est les gars qui, ma foi, n'en revenaient pas d'assister à ce chic, tout ça sans sourciller, ça garde bien. C'est donc en perdant la tête qu'Irénée fit la conquête de la population, mais surtout d'un certain remords. Quand au bel attrait lui dit: oui, tu es le mal de ma vie. Elle en profita aussi pour avoir le mal du pays. Aïe, je voudrais t'en revoir, ma Vendée. Aïe, mon ramon, ramène-moi si c'était un homme. Le pauvre gars, ma foi, n'eut pas le choix. Avec Irénée franchie dans les Pyrénées. Et voilà qu'en Vendée, l'on se vante à tout bas d'avoir tous les soirs de la semaine une corrida. Et l'organisation du concert qu'on a fait le 2 juin, là, au New Morning. Et là, je vais prendre une pause. Et à la rentrée, bah, y a des projets qui arrivent. Un peu, une qui est théâtrale, plutôt. C'est une sorte de deux-man show, two-man show, okay. Avec un texte et musique. Et après, moi, je commence à essayer de réfléchir à d'autres projets aussi que je pourrais faire. Parce que... Mais tu veux quand même que le groupe reste et persiste? Non, sans Belle, ça nous semble pas possible. Disons que ça je pense que le groupe continuera pas à tourner sans Belle, non. Donc... Alors, c'est la fin du groupe? Oui, moi je pense que... C'est le dernier disque que vous avez. Oui, c'est le dernier, ce sera le dernier disque du groupe. Mais à Québec, ça s'est rendu jusqu'à nous? Le disque, oui, normalement. Non, pas le disque, mais la nouvelle. Normalement, dans, dans la, les, toutes les... tous les communiqués de presse, ouais. Je ne sais pas si toi tu l'as eu en français ou pas. En français, oui. Ouais. C'est peut-être pas dit explicitement, mais c'est dit implicitement que okay. C'est le dernier disque, ouais. Que c'est le disque qui est. Parce qu'en n'étant plus là, l'âme est partie. Oui, je l'ai allaitée quand même. Mais elle est décédée jeune quand même. Elle avait 54 ans. D'un cancer. D'un cancer, oui. Ouais. C'est arrivé en 6 semaines. Hein. C'était ouais. En 2020. Ouais. On l'a évoqué au Québec, on en a parlé de cette mort. Ouais. Et ça, on a senti qu'il y avait comme. Il y avait une tristesse. Oui. Même si le groupe n'est jamais passé au Québec, ouais. La musique est quand même diffusée. On connaît. Ouais. Il ne faut pas non plus dire, parce que vous n'êtes jamais passé au Québec, que la musique ne s'est jamais passée entre nos oreilles. Oui, parce qu'on a eu la chance quand même. Je pense que. Comme on a quand même pas mal voyagé, il y a eu une diffusion mondiale de la musique, de notre musique. En fait, on a profité en quelque sorte du piratage, ouais. Comme finalement comme pas mal de gens, parce que à un moment donné, cette fenêtre de piratage sauvage, ça fait aussi diffuser beaucoup de choses. Parce qu'avant, la distribution des disques était assez compartimentée. Tu vois, c'est... Et tout d'un coup, en fait, quelqu'un sur un territoire, il n'y avait pas de disques, pouvait écouter. Ça comme chose, changé beaucoup de choses. Ça. Après, le problème de rémunération, c'est un autre problème. Et ça, là, on n'est pas rendu encore. Mais, non, mais oui, c'est sûr. On est allé beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Australie. Donc, il y aura peut-être un concert, un autre concert en hommage l'année prochaine en France aussi. Parce que là, c'était dans un petit lieu, c'était le New Morning. Oui, ah, mais c'est plus que c'était, mais c'est encore merveilleux. Ah, mais c'est merveilleux. Et en fait, moi, j'avais choisi ce lieu-là parce que pour nous, il était il est emblématique. Ah oui. Oui. Mais ça a changé beaucoup. C'est comme l'Olympia de Paris, ça a changé beaucoup. C'est plus ce que c'était. The New Morning? Ouais, je trouve que la salle a changé un peu. Il y a plus de... L'ambiance est un peu moins. Ouais, peut-être. En même temps, la configuration n'a pas changé. Non, c'est toujours les mêmes, toujours la même équipe gérante. Donc, pour moi, c'était important. En fait, nos premiers concerts parisiens ont été au New Morning aussi, en 97. Jamais le monde n'aura plus jamais ce visage excentrique. Tu n'auras jamais plus pour moi ce regard magnétique qui me délala lave l'esprit, qui me délala lave la tête, enfermée dans la cage à perpète des alouettes qui volaient dans le miroir. Aux alouettes, le beau miroir. Mais quand mon cœur s'est brisé, le miroir éclaté en mille morceaux aiguisés. Syndrome du cœur brisé, le miroir est cassé. J'ai cru mourir. Syndrome du cœur brisé, le miroir est cassé. Oh, j'ai bien cru mourir. Amis, je ne compte plus ces douleurs assassines, ni les fils décousus que nos larmes dessinent. Je me laisse emporter par l'écho délicat qui jadis enchantait le son de ta voix. Un brin de nostalgie butine à mon oreille. Lorsque tout est fini, vivre l'essentiel. La chance d'avoir goûté le bonheur avec toi et d'avoir su chanter à l'ombre de tes pas. Chantait-elle un oiseau qui s'est brisé les airs. C'est le haut diapason d'une vie de sourderelle. Si c'était à refaire, je jouerais chaque mesure qui jaillisse la lumière à travers les fissures. Merci pour le bon temps et tant pis si l'on dit qu'ainsi souffle le vent, ainsi va la vie. Merci pour ces nuées parfumées de l'histoire qui façonnent les reflets muets de nos miroirs. Si je vous ai bien compris,